soir, on se sépare en se disant juste au revoir. Plus besoin de fric pour payer Total, Areva, Google ou Syngenta. Avec la thune des concerts, je crée mon paradis sur terre. Autonomie, totale non-violence, enfant qui court partout et qui joue dans la forêt, sur la montagne, sous l'équateur, ça a du charme. Ce rêve, il est encore loin, ça m'empêchera pas d'y repenser demain. Et toute la vie s'il le faut, pour créer l'arche et le bateau, je rêve. Je rêve. Ça y est, on rêve.